Prends des grisements dans les geôles du dépôt. C'est comment ça se termine, tu tries les vrais défauts. Elle a mis du vernis, mais ses ongles sont faux. Des histoires de malades que ça se rejette d'un pote. J'ai pris de la salade.